Yoli Kaku, o bebê sem mama. Bilei na yomba kote. O buru yombela. Abraham Matingo, le temple. Jésus, tu as créé la démonstration. J'y ai tienza. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Yoka yambe l'innocé. Moki yango vengoboye. La vie vore et la remarque. La vie vraiment vengoboye. Jésus yambe l'innocé. Jésus yambe l'innocé. Mikonza. Jésus yambe l'innocé. Jésus yambe l'innocé. Kabakoma kita se bohre to la maïe. Michael Jackson, Marie Cécile Ikalia, Alléluia, Maria, mama, sana. Rico.